Sais-tu qu'est-ce qui me fait plaisir, moi? C'est quand ça sent les pâtes à frites. Moi, c'est quand je vois quelqu'un qui sourit dans son auto. Ah, moi, c'est quand il fait chaud et que je sens un petit vent léger qui caresse mes cheveux. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est de voir deux personnes qui s'embrassent sur le trottoir. Mon plus plaisir, c'est lorsque mes parents écoutent l'Opinard du chef avec Denis Barry, le jeudi soir entre 20h et 22h à CKRL. Ce soir-là, c'est inévitable. Ils sont toujours de bonne humeur. Ça me fait plaisir. We interrupt this record to bring you a special bulletin. Good God! Vous écoutez CKRL 89.1, la radio des découvertes. What happened? Alors, bonsoir, bienvenue à Web Musique. C'est Simon Roy qui est entre vos deux oreilles et ceci pour la prochaine heure. À Web Musique, comme d'habitude, ben, les pièces sont téléchargeables gratuitement. Pour ça, ben, vous vous rendez sur le blog de l'émission qui est au www.webmusique.org ou vous pouvez aussi vous y rendre par le site principal de CKRL qui est au www.ckrl.qc.ca. Donc, deux façons différentes pour se rendre sur le blog de l'émission. Ce que ça va vous permettre, ben, c'est télécharger les pièces que vous avez entendues, puis aussi télécharger l'émission qui est en balado-diffusion. C'est hébergé sur The Internet Archive. Je les remercie. C'est hébergé gratuitement. Vous pouvez vous aussi vous en servir. C'est une grosse bibliothèque numérique. Vous pouvez mettre des films, de l'audio, même des livres. Donc, c'est un site vraiment intéressant à consulter. C'est sur... Donc, l'adresse est au www.archive.org. C'est un site que je vous recommande énormément. Cette semaine, ben, je vais vous faire passer un peu de musique électronique, un peu chill au début, si on veut. Puis après ça, on va passer un peu dans des mash-ups, des cut and paste, un peu de musique, un peu, si on veut, un remix de musique piratée qui n'ont pas vraiment l'autorisation, mais quand même, ça fait des pièces assez spéciales. On va débuter avec une étiquette qui s'appelle Soulseek Records. Soulseek, ça a été créé par des utilisateurs du logiciel de téléchargement Soulseek. C'est un logiciel P2P, ou personne à personne, si vous voulez, un peu comme le défunt Kazaa. C'est un logiciel qui permet de télécharger des pièces. Souvent, il est utilisé de façon illégale pour partager des fichiers, mais aussi pour de la musique qui est distribuée en Creative Commons. C'est un outil qui est vraiment merveilleux. Donc, avec ce programme-là, ça vous permet d'aller voir les bibliothèques ou plutôt les discothèques des utilisateurs et vous pouvez piger dans leur matériel. Et c'est ça, vous pouvez partager aussi ce que vous avez. Donc, c'est un logiciel qui est vraiment intéressant qui s'appelle Soulseek. Donc, c'est une étiquette qui a été créée par des utilisateurs, donc une étiquette assez démocratique. Le consensus, d'habitude, pour les compilations, viennent de décisions qui sont prises sur les forums de discussion. Donc, ça produit des compilations qui sont quand même assez éclectiques. Ils ont plusieurs projets en route. Je vous invite à venir sur le site de l'émission pour aller faire un tour sur l'étiquette. Ils ont vraiment des trucs très intéressants. Je vais vous présenter pour débuter une compilation qui date quand même de 2005, mais qui est très intéressante. La compilation s'appelle Trabat Chai. C'est une compilation qui a été faite à la demande d'un lounge à Seattle qui s'appelle Trabat Chai. Donc, l'étiquette a fait une compilation spéciale à la demande de ce restaurant-là à Seattle. Puis je vais vous faire passer trois pièces. La première s'appelle Stairs, c'est par Kilowatts. C'est un artiste des États-Unis qui gagne à être connu, vraiment. Il y a beaucoup de matériel en ligne, puis je vous invite à connaître un peu plus cet artiste-là. La deuxième pièce s'appelle One Call Left. C'est un artiste allemand qui s'appelle New Delhi FM, une autre excellente pièce. Puis enfin, je vous fais découvrir Skipper. C'est le pseudonyme, excusez-moi, de Joel Asezki. C'est un gars qui nous vient de l'Afrique du Sud, de Johannesburg plus précisément. Donc c'est un compositeur, il fait de la musique pour la télévision, pour des annonces, vraiment varié. C'est un gars plein de talent, donc cette fois-ci c'est sous le pseudonyme de Skipper. Donc la pièce s'appelle Ella In Goes. Pour tout de suite, Kilowatts avec la pièce Stairs. Thank you. décédé ont été ma code. vous venez d'entendre trois pièces qui sont sur la compilation Trub & Chai. C'est une compilation qui est sur l'étiquette Soulseek Records. Vous venez tout juste d'entendre la pièce Ella In Goes. C'est par Skipper. C'était précédé par New Daily FM avec la pièce One Call Left. Puis on avait débuté avec Kilowatts avec la pièce Stairs. On poursuit l'émission Web Musique avec un artiste allemand qui s'appelle Das Kraftfutter Mischwerk, un artiste que j'apprends à connaître de plus en plus, que j'adore. C'est sur l'étiquette Kunabu. Kunabu, qui est une étiquette qui nous vient de la Pologne. Donc, je vous fais entendre une pièce qui est tirée d'une compilation qui s'appelle Sgt. Pepper's Lonely Hearts Dub Band 2. Donc, un petit clin d'œil aux Beatles là-dessus. J'ai eu beaucoup de difficultés à choisir la pièce parce que la compilation au complet est vraiment très bonne. Il s'agit d'un peu de dub, l'électro-dub. Donc, à peu près toutes les pièces sont bonnes. Je vais vous faire entendre donc la pièce de Das Kraftfutter Mischwerk, la pièce Down Under the Moon. C'est sur l'étiquette Kunabu, l'étiquette polonaise. Thank you. si vous n'êtes pas complètement détendu après cette pièce-là, ben, il n'y a absolument rien à faire avec vous. Donc, c'était Das Kraftfutter Mischwerk, un Allemand, qui publie sur une étiquette polonaise qui s'appelle Kunabu. Une étiquette vraiment intéressante. J'en ai déjà fait passer à l'émission, puis je vais continuer d'en faire passer. Ils ont vraiment des trucs vraiment intéressants. On va faire une courte petite pause, puis je vous reviens par la suite. Ouvert depuis 1985, le Bal du Lézard, situé au cœur du magnifique quartier de Limoilou, est un classique pour les étudiants. Voici ce que vous y trouverez. Un spectacle tous les jeudis et samedis soirs, de la vodka à une spécialité offerte en 15 variétés, un 5 à 7 tous les jours, Internet sans fil gratuit, 3 bières pression de la Barberie, petite bouffe, soit pizza ou hot dog européen, du baby-foot gratos les mardis, des expositions. Le Bal du Lézard, 3e avenue à Limoilou, 529-3829 ou lebaldulezard.com. Au Bal du Lézard, vous n'aurez plus le sang-froid. Vous écoutez CKRL 89.1, la radio des découvertes. De retour à Web Music, c'est toujours Simon Roy qui est entre vos deux oreilles. Il nous reste une petite demi-heure. Ensuite de ça, ça va être François G. Couillard qui va suivre avec son émission Hors Limite. Pour poursuivre l'émission qui est disponible en balado-diffusion au www.webmusic.org, c'est un petit peu de plug. Donc, on va écouter un peu de musique. Dans le genre nerdcore, qu'est-ce que c'est le nerdcore? C'est du hip-hop mélangé un peu avec des paroles de un peu de l'univers des nerds, si on veut. Des gens qui connaissent le Klingon par cœur, qui connaissent tous les épisodes de Star Trek, que leur meilleur ami, c'est leur ordinateur. Donc, c'est des gens qui racontent un peu leur vie, qu'est-ce qu'ils vivent, mais de façon hip-hop, c'est un mouvement qui prend beaucoup d'ampleur, qui font des trucs quand même assez pétés, merci. Je vous ai déniché une compilation qui est faite par un peu un weblog qui s'appelle Hipster Please. C'est un weblog qui nous vient de la Caroline du Sud, aux États-Unis. Donc, c'est comme un blog un peu sur la technologie et sur l'univers des nerds. Ils ont fait une compilation qui s'appelle « Old Nerdy Bastards, Geeky Music Remixed ». Donc, avec un titre comme ça, vous pouvez vous douter un peu du genre de thème abordé. On va débuter avec un artiste canadien qui s'appelle Snake Eyes. C'est un artiste qui vient de Toronto. Je vous fais entendre la pièce « Transformers ». Dans cette pièce-là, vous allez entendre un peu de la trame sonore de Terminator, des bruits de Transformer en train de se transformer. Il y a un peu de Lou Reed puis de Tracy Chapman mixé au travers. Vous allez voir, c'est quand même assez complexe comme pièce. Ensuite de ça, ça va être Dual Core, la pièce Orbit. Il y a un peu de Guns N' Roses, la pièce Paradise City, mais avec à la sauce hip-hop un peu. C'est un artiste dualcore qui vient de Cincinnati, dans l'Ohio. Puis enfin, on va entendre un groupe, ou plutôt un... Mon Dieu, je ne me souviens plus du nom de cet artiste-là, mais il évolue sous le nom de The Evolution Control Committee. C'est un gars qui fait du mash-up, un peu du plunderphonic. Donc, souvent, c'est ramassé en cours parce qu'il piratait des pièces pour se les approprier, pour faire ses propres pièces. Donc, c'est un artiste qui vient de Columbus, lui aussi de l'Ohio. Je vous fais entendre la pièce Own Monkey. Vous allez entendre au travers un peu de AC/DC, The Doors. Je ne sais pas combien de groupes qu'il peut avoir dans cette pièce-là. C'est assez hallucinant. Vous essayerez de compter le nombre de groupes. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Donc, pour tout de suite, du Canada, Snake Eyes avec la pièce Transformers. Snake Eyes. He's using joke mode ultra. Rapper versus rapper, rhyme versus rhyme. If you step to this mic, it'll be yours versus mine. Dark versus shine, read between the lines. I'm scrambling your frequencies until you offline. My heart rate climbs, my optics online. I see you as benign, I peep joke design. Get the lock on me now, cause I never give you the time to get your cannons ready like I'm charging up this rhyme too. Okay, yeah. Okay. See, y'all got me charging up this rhyme to rip it apart. I'm straight from the heart. Loaded when I rap, you see sparks when I grind in the dark. I spoke it after I wrote it. Laser beat better quoted right. I think I see him flying back. I'll shoot him down in mid-flight. Cause this is my stage, toe-to-toe versus Soundwave. You need to upgrade instead of using them cassette tapes. Times change, but I'm still out of range. Megatron was out to get me, but now he rolling with me. Listen. Listen, here I come, the one, the I'm major, I'm taking over. Never will this be over. I grip mics like I'm a yeah, I grip mics like I'm a here I come, the one, the I'm major, I'm taking over. Never will this be over. I grip mics like I'm a yeah, I grip mics like I'm a yeah, I'm soccer. Got you red and blue like you Optimus. Majortron, I'm coming and bringing lyrical opulence. The feed is toxic, so I brought it up and I dropped it. Devastator status, constructing this apparatus is me. With that iron high, battling in the highest tides. I'm in this game and the masses want me to choose sides. Destroy or protect, protect or destroy. This game ain't a toy. You on my radar, blinking, making noise. Back to the story. I'm buzzing, you can't ignore me. You grimlocked and shell-shocked before my glory. Fire the missiles off before I take off. Cause once I take off, it's time to break off. Nuts from bolts, I'll rise like the smoke will. Get out of my way, I'll turn you into roadkill. Ratchet and jazz will, without a second thought. But don't forget I'm major, the one and only rapper. Listen, here I come, the one, the I'm major, I'm taking over. Never will this be over. I grip mics like I'm a yeah, yeah, I grip mics like I'm a yeah, here I come, the one, the I'm major, I'm taking over. Never will this be over. I grip mics like I'm a yeah, I grip mics like I'm a while you running on gas. My core pumps energon with that crystal blue hypnotic hue. I transform into a mic, transforming into hype. But the rappers try to get dapper, but they don't do it right. You gotta execute, think like you Unicron. Open your mouth like you about to take a planet on. I took the spark plugs out of your system, I'm solar. Haters like Starscream try to come and take it over. But man, I told ya, and up, up, down, down, left, right, left. You'll get owned if you step high. It don't matter if you filled or bereft of skill. You need to know the deal, you feel. Your circuit's melting cause your mainframe's overheating now. I know it's filtering, your energy's depleted now. Don't ask me again, cause I just told you how I transformed the game. So let me take a bow. Here I come, the one, the I'm major, I'm taking over. Never will this be over. I grip mics like I'm a yeah, I grip mics like I'm a yeah, here I come, the one, the I'm major, I'm taking over. Never will this be over. I grip mics like I'm a yeah, I grip mics like I'm a yeah. See what I mean? Never let anybody challenge a dream in the orbit. That's right. orbit. Leaving the spot, they paused at the door. Find me online, search C64. He stepped out the building, feeling prepared. The cool night breeze had a chill in the air. Most skateboarding, he didn't have time. Hopped on his board, just ignoring the sign. Moving east through the city, tranquil and free. Got a whole lot to do, a few places to be. Cruised by a cypher, ear to the street. Came to a stop after hearing no beat. No one was rapping, he had to think quick. So he pulled out his laptop, laid down a mix. Intensified rhymes from the drum to play. Thanks to our hero, the cypher was saved. They took it inside, brought it up to the stage. He got the crowd going with the beats that amaze into orbit. No time for retreat, gotta put yourself out there to really be free. Into orbit, orbit, big from the start. Shoot for the moon, gotta reach for the stars. Into orbit, orbit, see what I mean? Never let anybody challenge a dream. Into orbit, orbit, that's where it's at. Into orbit, orbit, into orbit, orbit. Leaving the cycle, the crowd wanted more. Find me online, search C64. Stepped out the building, feeling prepared. The cool night breeze had a chill in the air. No skateboarding, didn't have time. Hopped on his board, just ignoring the sign. Moving north through the city, tranquil and free. Got a whole lot to do, a few places to be. Into the studio, pressing rewind. Booted the computer with the beat in his mind. Adding the reverb, panning the layers. Flip, flipping the mix on the kick and the snares. Got a tentative hi-hat, super discreet. An adamant bass line completed the beat. Lined up the EQ, ready for a sequel. More fresh sounds that were made for the people in the orbit. No time for retreat, gotta put yourself out there to really be free. In the orbit, orbit, big from the start. Shoot for the moon, gotta reach for the stars. In the orbit, orbit, see what I mean? Never let anybody challenge a dream. In the orbit, orbit, that's where I'm at. In the orbit, orbit, in the orbit, orbit. Get up, get coffee. Code Monkey, go to job. Code Monkey, have boring meeting. Boring manager, Rob. Rob say Code Monkey, very diligent, but his output stinks. His code not functional or elegant. What do Code Monkey think? Code Monkey think baby manager wanna write goddamn login page himself. Code Monkey not say it out loud. Code Monkey not crazy, just proud. Code Monkey like Fritos. Code Monkey likes Tab and Mountain Dew. Code Monkey, very simple man. The big, warm, fuzzy, secret heart. Code Monkey like you. Code Monkey like you. Code Monkey, hang around at front desk till your sweater look nice. Code Monkey, offer buy you soda. Bring you cup, bring you ice. Say no thank you for the soda, cause soda makes you fat. Anyway, you busy with the telephone, no time for chat. Code Monkey have long walk back to cubicle. He sit down, pretend to work. Code Monkey not thinking so straight. Code Monkey not feeling so great. Code Monkey like Doritos. Code Monkey like Tab and Mountain Dew. Code Monkey, very simple man. Big, warm, fuzzy, secret heart. Code Monkey like you. Code Monkey like you a lot. Code Monkey have every reason to get out this place. Code Monkey, just keep on working. See your software face. Much rather wake up, eat a coffee cake, take bath, take nap. This job fulfilling in creative ways is such a load of crap. Code Monkey thinks someday he'd have everything, even pretty girl like you. Code Monkey just waiting for now. Code Monkey says someday, somehow. Code Monkey like Fritos. Code Monkey like Tab and Mountain Dew. Code Monkey, very simple man. Big warm fuzzy secret heart. Code Monkey like you. Code Monkey like you. Donc, vraiment hallucinant le nombre d'échantillonnages dans cette pièce-là qui faisait quoi, peut-être un 2 minutes 30, même pas. C'était The Evolution Control Committee, la pièce Own Monkey. Donc, il y avait un peu des CDC, Doors. À la fin, on entendait un peu de Charlie Brown. C'était assez varié. Donc, c'est un groupe qui nous vient de Columbus, en Ohio. Avant ça, c'était Dual Core, la pièce Orbit. C'est un remix avec un peu de Guns N' Roses, la pièce Paradise City. Un artiste qui vient, lui, de Cincinnati, en Ohio. Puis enfin, on avait débuté avec un artiste canadien de Toronto qui s'appelle Snake Eyes, la pièce Transformer, qui mélangeait la trame sonore de Terminator, des bruits de Transformers en train de se transformer, un peu de Lou Reed, de Tracy Chapman et d'autres trucs. Donc tout ça, c'était sur la compilation Old Nerdy Bastard Geeky Music Remixed. C'est pas vraiment une étiquette, c'est plus un weblog qui s'appelle Hipster Please. Donc un weblog qui se concentre sur la culture nerdcore, c'est-à-dire du hip-hop avec des sujets de nerd. Pour continuer l'émission, on va aller cette fois-ci, c'est un site qui s'appelle, un site et une radio en même temps, qui s'appelle WFMU. C'est un site qui a vraiment, mais vraiment beaucoup de matériel. C'est toujours des trucs assez étranges. Ils ont des vieux enregistrements, des fois en phonographe. C'est des trucs ramassés à la télévision, sur Internet. C'est vraiment disparate comme contenu, puis c'est vraiment une archive vraiment hallucinante de matériel. Je vais vous faire entendre trois pièces par une artiste qui s'appelle Vicky Bennett, une artiste qui évolue sous le pseudonyme de People Like Us. Ça fait 17 ans qu'elle fait du collage, du mash-up. C'est vraiment intéressant ce qu'elle fait, puis on peut le dire, c'est un peu rare de voir des filles un peu dans l'expérimental comme ça. C'est vraiment une pionnière, donc qui vient de l'Angleterre, de l'État de Sussex un peu plus particulièrement. Donc, c'est ça. L'album s'appelle All Together Now, un album qui est disponible pour téléchargement gratuit sur WFMU. Je vous fais entendre pour débuter la pièce Blue Bayou. Ça va être suivi par I Walk the Line, qui est un peu de classique. Une drôle d'évolution vers une pièce un peu plus country, donc la pièce I Walk the Line. Puis enfin, ben, ça va être la pièce Singing in the Shower, une pièce quand même assez longue qui dure 8 minutes, encore une fois avec plein d'extraits, avec des sources vraiment disparates. Une belle évolution. Donc, je vous rappelle que le groupe s'appelle People Like Us. L'album s'appelle All Together Now. Pour tout de suite, la pièce Blue Bayou. Thank you. you. I'm so lonesome. We'll be right back. yellow, green, red, blue, blue, blue, red, purple, green, yellow, orange, red, red, red, yellow, green, red, blue, blue, blue, red, purple, green, yellow, orange, red, red. Blend them up and what do you get? Cerise, chartreuse and aqua, mauve, beige and ultramarine, and every color in between. Hado, kawaii, kai, non, cha, lum, bum, color has its harmony, and just like I have said. Red, yellow, green, red, blue, blue, blue, red, purple, green, blue, purple, red, red. Plain old lavender blue, dilly, dilly, dilly, dilly. dancing and singing in the rain. C'était People Like Us, alias Vicky Bennett, une artiste qui nous vient de l'Angleterre. Donc, vous venez tout juste d'entendre Singing in the Shower. C'était précédé par I Walk the Line, puis on avait débuté avec Blue Bayou. C'est tout pour l'émission Web Musique qui empiète déjà sur Hors Limite. Je vous rappelle que les pièces que vous avez entendues ce soir, c'est possible de les télécharger. Pour ça, vous rendre sur le blog qui est au www.webmusique.org. Donc, comme je vous dis, c'est tout pour ce soir. Je vous souhaite une bonne semaine, puis je vous donne rendez-vous dimanche prochain à compter de 20h. Les Nuits en Musique vous sont présentées par votre directeur musical, Daniel Marcoux. Écoutez CKRL tous les jours de la semaine durant les petites heures du matin et laissez-vous guider par l'humeur musicale de Daniel Marcoux. Les lundis urbains, les mardis 100% franco, les mercredis folk et world beat, les jeudis Britpop et post-rock, les vendredis flashback et les samedis du métal avec DJ Benz. CKRL, la radio des découvertes, 24 heures sur 24, 7 jours, 7 soirs, même le dimanche.